10h, bienvenue sur Radio Gemozo dans l'émission Les Oreilles du Monde. Bonjour à toutes et à toutes, vous êtes... Ça va mieux? Non, c'est moi? Je vais baisser un petit peu mon micro. Voilà, on est reparti. Ah, il y a un petit souci de retour. Un truc qui bug. Est-ce que ça va mieux quand je parle? Et non, il y a toujours les retours. On peut mettre une petite musique en attendant de régler ça. Je vous propose de mettre, d'écouter Moulo Sayat, Ayoli, en attendant qu'on résolve le souci. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Marco, urushaho lebe tutesa mangesite jaftar vadi kama vadi nichi Bonjour à toutes et à tous, c'était Molo Sayat avec la chanson Ayoli. Vous êtes en direct de Radio Gemozo. Il n'y a plus le petit bip du retour, donc nous pouvons commencer l'émission de manière plus sereine. Vous êtes en direct des Oreilles du Monde, l'émission mensuelle proposée par les Mondes d'Utopie. Aujourd'hui avec moi Mounir et Camille. Hola. Bonjour Mounir. Aloha. Comment ça va? Ah ben, je suis toujours content d'être là. Super. Coucou Camille. Ça va, Nanou? Ah bah très bien. Ça va mieux maintenant que ça grésille moins. Voilà, ça y est, on est bon là, on peut commencer. Yella. Bon, ça roule? Bah oui, hein. Très prêt bien. Pour cette impeccable. Émission d'aujourd'hui? Chaud patate. Alors, au programme, je vous propose aujourd'hui un bref retour sur nos événements de cet été, donc Trois Guinguettes et le restaurant éphémère de l'association des Mondes d'Utopie, qui était basé à Gérardmer et Axon rue Longemer. Oui. Un restaurant mobile, entre guillemets. Dans un premier temps, dans un second temps, et le dernier... Non, dans un second temps, on vous fera un petit briefing sur nos événements à venir de la saison 2020 et 2021, avec Camille et moi-même. Et ensuite, on passera à nos coups de cœur musicaux à tous les trois. C'est ça. Voilà, voilà. Donc c'est parti, je me lance pour la guinguette à les restos. Vas-y Camille. Allez-y. Donc comme peut-être vous le savez, on a organisé cet été trois guinguettes donc à Rochesson, toujours avec l'association Les Mondes d'Utopie. Alors les trois guinguettes, à la base on s'était dit que c'était trois guinguettes très épurées, minimalistes, pour pas trop se charger pendant l'été. Et puis bon, finalement voilà, on a quand même fait, on a quand même bien bossé. Mais du coup, on avait fait une première guinguette le 24 juillet, donc avec un marché nocturne, donc il y avait plein d'artisans, de producteurs. On avait fait une petite tombola, d'ailleurs, qui avait bien fonctionné. Et puis, avec le concert de Muriel, d'ailleurs. Donc ça s'est super bien passé, cette première guinguette. Comme ça s'est bien passé, et ben, on a renchaîné le 7 et 8 août avec une guinguette, cette fois-ci, avec des ateliers proposés en journée. Et puis, bah, comme on avait fait hein, des repas le soir et concerts, donc il y a eu le concert de La Pêche le vendredi soir. Donc pour ceux qui étaient là, bah, je pense qu'ils se souviennent que le nom du groupe, il se porte bien, quoi. La Pêche, ils nous ont mis une patate d'enfer, on a dansé comme des fous. Et le lendemain, on a eu donc un spectacle cabaret de la troupe qui proposait les ateliers, donc la troupe des baladins, des baladines. Toute nouvelle troupe qui a été conçue, qui a été créée pendant le confinement. Oui, c'est ça. Et là, c'était leur première tournée, du coup. Oui, ils se baladaient en vélo là pendant 2 semaines, et donc ils faisaient des haltes à différents endroits pour proposer leurs ateliers et leurs spectacles. Et donc ce spectacle, c'était pas mal du tout. J'ai vraiment bien aimé. Et donc on a clôturé cette deuxième guinguette comme ça, et la troisième et dernière. C'était le vendredi 14 août. On était quand même un peu fatigués à la fin de tout ça. C'était un petit peu too much, mais bon, voilà. On n'en pouvait plus, tu veux dire. Et ça s'est quand même bien passé, donc c'est l'essentiel. Après, je pense qu'on n'en refera plus à aussi peu de temps d'écart. Mais donc, pour la dernière guinguette, donc il y avait à nouveau un marché nocturne. Donc, il y avait des standiers qui étaient déjà là la première fois et d'autres des nouveaux. Donc, la Tombola, toujours. Et puis, on a eu en concert KPG, donc il y a un groupe de deux musiciens d'Épinal. Ouais, duo voilà. Guitare-voix Épinal. Ouais. Donc, voilà pour les guinguettes. Grosso modo, bah, y a eu plein de monde. Donc, on avait évidemment mis en place les dispositifs pour le Covid, tout ça. Et puis voilà. Et cet été, on avait fait aussi le resto éphémère. Donc, avec l'association, on avait donc emprunté le camion food truck de la glaneuse de Saveur pour l'utiliser les mercredis. Et donc le midi, on proposait des repas le midi au Biomonde de Gérardmer et le soir au marché bio de Xonrue-Longemer. Donc voilà, ça c'est pareil, ça nécessitait pas mal de temps d'engagement. Mais voilà, c'était une belle expérience. Et donc on a fait ça sur 8 ou 9 dates, je sais plus. Enfin, voilà. C'était intéressant parce que du coup on a bossé avec des producteurs du coin, à chaque fois on faisait un menu différent, donc là ça nous a un petit peu poussé à chercher des nouvelles choses, mais bon, ça fait un peu beaucoup aussi quoi, enchaîner les guinguettes, le resto éphémère la semaine et nos vies personnelles à côté, et nos vies personnelles c'était un petit peu beaucoup. Mais voilà, on saura qu'il faut arrêter de se charger autant. C'était un été intense, mais super, qui a été un vrai succès. Oui. Parce qu'aux guinguettes, tous les stands du marché étaient magnifiques, les gens étaient heureux, les gamins étaient heureux. Oui, ça s'est vraiment bien passé. En même temps, il y a tellement eu d'événements d'annulés, nous on a décidé de les conserver. Donc évidemment, on avait plus ou moins limité les réservations pour les repas, quoi. Mais il y a eu quand même pas mal de public. Hein. Donc, ça a fait super plaisir aux locaux et aux touristes, du coup. Ouais. Vu qu'il y avait pas mal de touristes cette année dans les Vosges. C'était un grand succès. Ouais, on peut dire ça. Autre chose à rajouter, Camille? Bah, écoute, pour cet été, je crois que j'ai tout dit. J'ai l'impression que tu as tout dit, oui. Ok, bon, fort bien, là. Et bien, vu que Camille a tout énuméré pour les événements qui se sont passés cet été, moi, je vais passer, du coup, aux événements de la saison 2020-2021, en commençant par Temps de pause, le 31 octobre. Ouais. Donc, du coup, Temps de pause, eh ben, c'est, comme son nom l'indique, c'est un temps pour soi, avant de se replier dans le gros hiver vosgien, s'il arrive. Ouais, les gros hivers vosgiens, je sais plus si ça marche trop maintenant. Depuis 3 ans, hein, c'est ça, Camille, Temps de pause, c'est la 3e année qu'on va l'éditer. Oui. Donc depuis 3 ans, Temps de pause propose toute la journée 4 ateliers. Donc cette année, il y aura un atelier clown, réveille le clown qui est en toi. Ça il y aura ensuite un atelier d'acro-yoga, qui est une discipline métissée de yoga et de posture acrobatique. Ça sera un atelier d'initiation, hein, je vous rassure, ça ne va pas voltiger dans tous les sens. C'est bien parce qu'on en avait déjà eu la première année et ça, enfin, on avait vraiment eu des demandes pour réitérer l'année dernière. Mais bon, voilà, comme on essayait quand même de changer un peu les ateliers pour qu'il y en ait pour tout le monde. Donc là, voilà, il y a à nouveau de l'acro-yoga. Donc pour ceux qui l'attendaient, voilà. En troisième, il y aura un atelier chant. Et puis de la danse. Donc pour ces ateliers, on vous en dira plus bien sûr à la prochaine émission, donc dans un mois, qui sera une quinzaine de jours avant l'événement. Et bien sûr, vous saurez tout sur notre page Facebook ou sur le site internet des Monts de l'Utopie. Voilà, tout à fait. Un beau site. Donc, 4 ateliers la journée, bien sûr. Si vous prenez un atelier, ce sera un tarif. Si vous prenez les 4, ça sera moins cher. Si tu prends tout, c'est moins cher. C'est moins cher. Marche de tapis. Tout, c'est pas cher. C'est normal. Et le soir, il y aura 2 groupes en concert, La Base et Molo Sayat, du coup, que vous avez entendu tout en début d'émission, quand on a eu notre petit problème de retour. Donc, ces groupes auraient dû passer à Cultivons nos passions, mais avec le Covid, cet événement était annulé. Du coup, le programmateur les repasse. Oui, on a choisi de garder quand même les dates pour ceux qu'on avait programmés à l'origine. Après, donc, Molo Sayat, on attend aussi une réponse parce que là, il y avait Paul qui était bloqué en Syrie. Et donc, comme il y avait eu des, enfin, comme il y a eu des gros soucis là-haut, bah là, il est en attente d'avoir un visa et puis un avion, quoi. Donc normalement, ils seront là, mais voilà, s'il en manque un, ça risque d'être compliqué. Mais bon, en principe, ça devrait le faire. Oui, et puis là, on est encore aléatoire, donc on vous énumère nos événements. Nous, on croise les doigts, en fait, tout pour qu'ils soient conservés. Ouais. Donc pour résumer, temps de pause, 4 ateliers la journée, 2 concerts le soir, buvette et repas sous réservation. C'est ça. Voilà. On va passer maintenant, Camille, au deuxième événement de la saison. Réveillons-nous. Oui. Alors réveillons-nous cette année en principe, parce que là on est encore pour parler parce qu'on a une autre opportunité pendant les vacances de Noël. Donc est-ce que on sera suffisamment nombreux pour maintenir ce nouvel an ou pas, c'est encore pour parler. Mais du moins si on le fait, donc ça sera un thème des pays de l'Est. Donc voilà, on ferait comme l'année dernière un repas en lien avec le thème, des groupes de musique en lien avec le thème, des beaux costumes pour nos bénévoles, oui, en lien avec le thème. Et donc voilà, ça. Après c'est voilà, nos soirées de Nouvel An, hein, donc. Voilà, je rappelle que réveillons-nous, Nouvel An, c'est le réveillon. Donc oui, d'où ça. Réveillons-nous. Voilà. Voilà. Merci pour la précision, Nano. Bien sûr, les repas seront sous réservation, oui, si ce nouvel an a lieu. Oui, parce que bah, l'année dernière, on était tout était réservé très vite. Donc voilà, dès l'instant qu'on va commencer la communication, si on organise cet événement, voilà, je vous suggère de réserver assez rapidement. Eh ben, on va passer maintenant au mois de février. Ouais, alors donc pour 2021, bah en principe, on va garder les mêmes dates qu'à l'habitude. Hein. Donc, on va faire concert d'hiver, donc une soirée concert avec juste de la petite restauration, hein, ça ne sera pas un repas. Donc, soirée concert, ça doit être aux alentours du troisième week-end de février. Souvent, on fait ça. Après, il y aura normalement... Ah oui, vas-y, Nanou. Alors moi, je me permets de rajouter que pour moi, concert d'hiver, c'est quand même l'événement des mondes d'utopie le plus festif dans le sens guinché, oui, de l'année, et que c'est souvent de la chanson française, de la bonne chanson française qui te... Ouais, c'est vrai que c'est plus une soirée, là, c'est, à guincher. En même temps, c'est soirée concert, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment soirée repas, concert, c'est très posé, festif. Ça, ouais. C'est une ambiance un peu différente. Et plus axé sur la chanson française. Enfin, du moins, ces deux dernières années, ouais, ça a été axé sur la chanson française. Bah, donc, l'année dernière, on avait accueilli Jack Simard, Les Gueules d'Aminche et Picon, mon amour. Mais c'est pas improbable que Picon revienne, ouais, revienne à ce moment-là. Mais bon, la programmation, on en reparlera au moment venu. Après, je pense qu'on va continuer. On va faire aussi le repas concert que normalement on organisait début avril. Donc là, on va probablement le faire vers aux alentours du 21. Donc là, on pour l'anniversaire mois à Georges, avec il un veut repas qu'on organise concert. Un truc. Ouais. Donc ça serait ça. Et ensuite, bah, cultivons nos passions, fin mai. Probablement, soit on fait après une ou deux guinguettes dans l'été, ou alors un petit festival d'art de rue à réfléchir. Et puis, temps de pause. Enfin, voilà. Les événements qu'on a de base, en général, voilà, on les garde. Donc, je vais résumer une petite fois. Saison 2020-2021, temps de pause 1, réveillons-nous 2, concert d'hiver 3, et après, repas concert 4. Et cultivons nos passions fin mai 5. Ouais. Donc 5 événements à venir pour cette saison-ci. C'est ça. 5 événements festifs et colorés et aux musiques assez éclectiques, parce que finalement, voilà, musique du monde, ouais, c'est très vaste. Hein, donc il y a un petit peu de tous les, enfin peut-être pas tous les styles, mais voilà, on essaye de faire une programmation même, hein, assez éclectique. Ce qui est sûr, c'est qu'on va bien s'amuser. Ouais, ça c'est sûr. Eh bien, voilà, voilà, je pense qu'on a tout dit. Ça, c'est sûr. Alors là, Mounir, heureusement que t'es là. Hein. Merci, oui. Heureusement que t'es là. Et bien, du coup, sur cette allez, belle petite remarque de Mounir, qu'on va bien s'amuser, moi, je vous propose qu'on passe déjà à notre troisième rubrique d'aujourd'hui, nos coups de cœur musicaux. Yalla, allons-y. Et vu que je suis en technique, on va commencer par moi. Vas-y, Nanouche. C'est l'avantage de la technique. Donc, aujourd'hui, en coup de cœur musicaux, moi je vous propose des copains-copines de moi qui font de la musique, et j'ai envie de vous les faire découvrir. Donc ce sera 1, 2, 3, 4, 5, 5 groupes de copains. Et on va commencer par Marie Pétrolette, qui est vosgienne d'origine des Hauts, parce que Marie Pétrolette est originaire de Gerbépale. Maintenant elle est sur Amiens. Marie Pétrolette, c'est un solo guitare, soit accordéon, voix. Marie Pétrolette, c'est une éternelle amoureuse qui n'hésite pas à embalasser plein la gueule au bonhomme. C'est trop cool. Et on va commencer par la célibataire de Marie Pétrolette. C'est parti. Je mets play. Parce que je suis célibataire, a priori j'ai droit à le taire. Les histoires de cœur, je connais pas, et la souffrance n'est pas pour moi. Et qu'avec tout le monde je rigole, et que je suis un peu frivole. Ils se disent que je suis une catin qui couche avec tout un chacun. Si vous saviez, messieurs, si vous saviez, messieurs, si vous saviez, messieurs, je ne suis pas telle. Les gars, quand je leur fais un sourire, faut tout de suite, ça les passe très vite. Mais vous vous croyez où, messieurs? Vous vous comportez comme des bœufs. C'est pas parce que je fais un baiser que j'ai envie de me faire baiser. Moi, tout ce que je veux, c'est de la tendresse. Et non, non, que pour mes fesses. Si vous saviez, messieurs, si vous saviez, messieurs, si vous saviez, messieurs, je ne suis pas celle que vous croyez. En plus de ça, je suis pas très fine, car je chante des chansons coquines. Certains vont jusqu'à se méprendre et penser que mon cul est à prendre. Y'en a marre de ces imbéciles qui pensent que je suis une fille facile. Tirez-moi donc tous ces tocards, oui, vont finir dans le placard. Si vous saviez, messieurs, si vous saviez, messieurs, si vous saviez, messieurs, je ne suis pas telle que vous croyez. La révolution sexuelle, c'est pour les mâles, pas pour les belles. À croire que nos mères n'ont protesté que pour qu'on se fasse insulter. On n'est plus en mai 68, faudra peut-être changer de conduite. Les gars, ça vous ferait peut-être pas de mal, vous essayez à l'amour anal. Si vous saviez, messieurs, si vous saviez, messieurs, si vous saviez, messieurs, nous ne sommes pas tels que vous croyez. C'était Marie Pétrolette, la célibataire. Donc Marie, que vous pouvez retrouver parfois dans les Vosges en concert, parfois sur Paris et d'autres lieux et dates. Et Marie a une page Facebook, donc n'hésitez pas à liker Marie Pétrolette sur Facebook. Voilà, voilà. Donc, première copine passée. Maintenant, je vais vous faire découvrir ceux de la MOUF que vous, si vous nous suivez, vous en avez déjà entendu parler, je pense, car ils sont passés à Réveillons-nous l'année dernière, n'est-ce pas Camille ? Oui, c'est ça. Donc, c'est la soirée latine. Donc ceux de la MOUF qui étaient aussi passés à Caracol il y a 2 ans, qui ont fait toutes les Vosges, qui sont passés cet été chez Narcisse, et d'autres à l'Estaminet aussi. Bref, toutes les Hautes-Vosges, toutes les Vosges ont été faites par ceux de la MOUF. Donc ceux de la MOUF, c'est un duo batterie-guitare avec les deux voix, duo festif. Latino festif, ouais. Ce sont des Haut-Marnais, un couple de Haut-Marnais de la cinquantaine, et c'est latino festif, c'est des copains, c'est génial. Donc je vous propose de les découvrir ou de les redécouvrir avec la chanson Te rappelles-tu. C'est parti. Je clique. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. connu, où l'on s'est aimé. C'était que nous deux, perdus dans les cieux. C'était nos 20 ans, sous ce ciel de feu. Te rappelles-tu de ces jus d'orange, gorgés de soleil, sur cette place étrange? C'était que nous deux, dans cette ville immense, l'Amérique du Sud, bien loin de la France. C'était Ceux de la Mouffe avec Te rappelles-tu, donc duo batterie-guitare. Maintenant il y a un trombone, mais vous ne l'entendez pas encore du coup parce qu'ils n'ont pas encore enregistré. Mais c'est la merci nouveauté. Maintenant ils sont trois, donc batterie, guitare et trombone. On va passer maintenant à Dimethée. Donc ce sont des copains de Nancy avec Mehdi au chant qui est un slameur d'origine, qui a gagné plusieurs concours d'ailleurs de slam. Et il a créé un groupe l'année dernière, violon, contrebasse, guitare, voix et parfois d'autres instruments, parce qu'il travaille avec tout un collectif de musiciens. Moi personnellement, ces textes me touchent beaucoup, je vous invite vivement à bien les écouter. Voilà, c'est très beau, Dimethée, un bon slameur, et je vous fais découvrir Silence, je rêve. C'est parti. C'est parti. Taisez vos colères, vos rengaines, vos doutes et vos unes. Taisez le peu d'humanité qui traîne encore dans vos rancunes. Taisez donc vos combats, vos raisons et vos luttes, vos manipulations et vos langues. Taisez les mots de ce monde que vous propagez, qui crée les sillons du mal dans cet univers trop âgé. Taisez votre amour qui n'est que la partie émergée de votre haine. Tous vos sons négatifs, c'est tout le vivant qu'elles atteignent. Silence! Silence! l'autre côté de la rive, là où les vents essouffleront toutes vos rimes, vos galères et vos drames. De toute façon, vous ne rêvez plus, vous ne rêvez plus, madame. Emballez votre monde, je n'aime plus les cadeaux. Je ne vois plus la caravane, je n'entends plus que les cabots. Disait votre démocratieuse qui imagine installer la paix par la guerre. Tous vos isoloirs crasseux ont des airs de pissotière. Silence. Ôtez-moi de la vue vos statuts politisés, votre nationalisme sportif et vos crises d'identité. Ôtez-moi de la vue vos politiques terroristes, vos intégristes explosifs et vos migrants terrorisés. Ôtez-moi de la vue tout ce qui fait honte à la vie, tout ce qui était mieux avant. De toute façon, ici, ça marche à l'envie. Ôtez-moi de la vue vos airs de puissants, avec ou sans nous, le soleil se lèvera toujours au levant. Silence, je rêve. Silence, je rêve. Coupez donc tous vos merdias, vos baisers FM, vos manifs juste pour enlever un maillon de votre chaîne. Vous pouvez me jeter l'anathème. Je préfère être seul que mijoter l'âme en peine. Internet m'a interné, la République m'a paterné. Je suis bloqué dans ma tête, autant dire que je suis mort-né. Internet m'a interné, la République m'a paterné. Je suis bloqué dans ma tête, autant dire que je suis mort-né. Silence. Le murmure de vos souffrances n'est même plus accepté. Silence. Car c'est dans le silence qu'on retrouvera un peu d'humanité. C'était Dimétée avec Silence je rêve. Pareil, Dimétée, vous pouvez les retrouver sur SoundCloud. Et bien sûr, vous pouvez liker leur page Facebook Dimétée. Et je rajoute aussi que ceux de la Mouv', c'est pareil. Il y a leur album sur YouTube. Et vous pouvez liker également leur page, ceux de la Mouv'. De toute façon, tous les copains que je vais passer là, ils ont une page Facebook. Donc je vous invite vivement à les soutenir, quoi, à les liker. Et en plus, de toute façon, sur le site internet de Radio Gemozo, si vous voulez réécouter l'émission, on notera aussi, comme d'habitude, de toute façon, toutes les musiques qui seront passées. Oui, et également sur notre page Facebook à nous, Démons de l'Utopie. Oui. C'est tout à fait ça. La petite parenthèse étant faite, nous allons passer par La Valise. Donc La Valise, c'est un duo de femmes. Accordéon, violon. Sympa. Je me disais que t'étais féminine, Manou. Ah, ça y est, Mounir, là, tu m'as coupé. Tu m'as coupé dans mon élan. C'était exactement le but. La Valise, un duo violon-accordéon-voix de Belgique qui font principalement de la musique trad et folk. C'est parti pour vous faire découvrir La Valise avec Le Boiteux. Thank you. C'était la valise. On allait enchaîner sur la deuxième. Voilà, exactement. J'ai dit, oh, ça y est, c'est plus la même, c'est plus le même titre. Donc, c'était la valise, duo belge. Guitare, accordéon, violon, voix. Donc, pareil, hein, vous pouvez liker la page Facebook si ça vous a plu. Et je vais passer à mon dernier coup de cœur des copains, donc, que vous avez déjà entendu, je pense, sur Radio Gémozo, parce qu'ils sont passés chez nous au Monde l'Utopie à Cultivons nos passions de l'année dernière. Pygmée. Oui. Oui, oui, bon, on avait dû passer une des musiques quand. Avant Cultivons nos passions, et on a dû en repasser d'autres pour des coups de cœur, je oui. pense. Donc, Bal Pygmée, c'est un quartet strasbourgeois. C'est une fusion de punk, de musette, de valse, de patois alsacien et de trance maghrébine. C'est tout simplement génial. Je vous l'ai fait découvrir ou redécouvrir avec L'âge rit. C'est parti. Oh, je me suis réveillée ce matin. Je me suis regardée dans le miroir. Et vous savez quoi? Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. suis bien mûre et pas verte, à mon fruit une belle couette. Paraît que les asticots dévoreront oui ma peau. Pas de chagrin, pas de chagrin, même s'il tremble ma main. C'est du respect, mes cheveux blancs signe du temps. La maison de retraite, c'est pas comme ça qu'on traite. Même si j'ai, oh même si j'ai, oh même si j'ai. Oui, des cernes sous les yeux, encore mes deux seins, oui tant mieux. Marrant, je suis tombée amoureuse à 71 ans. C'était les merveilleux bals pygmées, toujours un plaisir de les réécouter. Comme les autres collègues du dessus, hein, pas d'avant, je veux dire. Quand je dis du dessus, c'est sur ma page, mais c'est d'avant pour vous. Vous pouvez liker leur page Facebook, hein, parce qu'ils en ont une. Donc c'était Bal Pygmée avec Lagerie. Eh bien c'est fini pour ma petite playlist des coups de cœur. J'espère que ça vous a plu. Comme a dit Camille tout à l'heure, vous pourrez les retrouver sur Radio Gemozo, sur le podcast de notre émission. Quel accent. Wow. Non, mais je me concentre pour parler en anglais, sinon je dis n'importe quoi. Je me suis cru au steak, et aussi sur notre podcast, sur la page Facebook des Mondes d'Utopie. C'est ça. Eh bien voilà. Ça vous a plu, Mounir et Camille ? Ah, formidable. Ah, super. Merci beaucoup. Oui, bah après voilà, il y avait quand même pas mal de trucs. Moi, on connaissait déjà. Mais oui, ça fait plaisir de les réécouter. Tout à fait. Eh bien, Mounir, si t'es prêt, on peut passer maintenant à tes coups de cœur. Eh bien, c'est génial. Ben, je rappelle que je suis toujours content d'être là. Je le dis à chaque fois, mais... Alors du coup, je vais passer à un premier petit coup de cœur. Ça s'appelle Irie Jazz. C'est un groupe de Montpellier, composé de 7 personnes. C'est un mix de reggae et de jazz. Ils ont commencé ça en 2010. Et ça fait un petit moment qu'ils jouent et j'aime bien. Alors, je vais présenter une musique qui s'appelle Weather, de Irie Jazz. Bonne écoute. C'est parti. C'est parti. Today I got the chance to go back to those days, bathe in morning light, sitting on a tension, tension, watching train coming, a little wishing one would carry me. Now I feel a little lighter, my hands fall on my shoulders and I smile way more. Yeah. Small is my room, wide is the kingdom that slips behind the door. Mother's love's a shield and father's arm and weapons to fight all evil. And I roll on, my eyes rolling, and I dig in me to find, yeah. This is our star. Over my head, an angel guard my bed, for I'm God's last son. And if my heart's about to blow in words and sound, that will last in time, last in time. There ain't enough air to fill my lungs, light to blind the sight of a child's willing heart. Cause running long the rest, running to the skyline and never finding peace. Mother's love's a shield and father's arm a weapon to fight all evil. And I roll on, my eyes rolling, and I dig in me to find, yeah, pieces of a star. And my heart would sweat, my skin c'était Highway Jazz avec The Weaver. Du coup, je vais passer sur une deuxième musique de Highway Jazz qui s'appelle Mama et que j'aime particulièrement. Et c'est parti. Je clique sur le bouton. Elle clique sur... Même pas protège, maman, de la folie de l'homme qui nous met encore. demande tout et elle le fait pour qu'il soit fier. Danse, donne le sein et plus encore pour que eux, pendant ce temps, en face de l'or, ignore seulement ce qu'est l'amour. Mais du bâton, prends garde. À son retour, certains hommes ont compris comment la garder épanouie. D'autres faire la tromper avec la monnaie, c'est une maladie. Prends soin de maman, que tu le veuilles ou pas, c'est d'abord grâce à elle que tu es. Est fragile, elle nous regarde immobile, en train de se demander si nous épargner serait pas débile. Y'a qu'à voir l'état de nos habitats, de nos corps, de nos vies, juste un amas de dégâts. Incapable, espèce dysfonctionnelle, qui met en danger toutes celles qui fonctionnent telles. Garde-toi du mal qui nous ronge, si tu stresses, allonge-toi, tu sauras si tu es sur la bonne voie. Maman te le dira, que tu le veuilles ou pas, c'est d'abord grâce à que tu es là. Observe maman, elle te réapprendra le savoir vivre et d'autres choses déjà en toi. Aime la maman, elle te le rendra à un niveau que tu n'imagines même pas. Protège maman de la folie de l'homme qui nous met encore une fois. C'était le groupe I We Jazz avec Mama. Enfin, ça va Lalou, Camille ? Vous allez super. Bien ? Super. Ouais. Je ne connaissais pas Mounir, super découverte. Eh ben, je suis super découvert aussi. Pardon. Alors, moi, j'ai envie un peu de voyager. Enfin, ça, en fait, on va, du coup, vous avez un peu envie de voyager, non ? Allez, allons-y. Oui, Mounir, on aimerait bien voyager, mais si tu t'approches pas trop du micro. D'accord, ok. Alors, je vais rester sur place. Voilà, en fait, j'ai envie de partir un peu du côté du pays du soleil levant. Voilà, et du coup, je vais vous faire découvrir un groupe qui s'appelle Little Tempo, un groupe japonais. Composé de 9 personnes, formé en 92, c'est un mix de dub reggae ska. avec des influences de musique traditionnelle japonaise. Je trouve que c'est un groupe assez extravagant. Je vous laisse découvrir. C'est Little Tempo avec Dragon Twist. Ah mais Mounir, t'as super bossé là, dans la description. Et je peux même dire Otanoshi ne en japonais, qui veut dire amusez-vous bien. Otanoshine. Otanoshine. Otanoshine. Otanoshine. C'est parti. Subarashi, Sugawi, comme ils disent en Japon. Ça veut dire quoi? C'est super, c'est génial. Ah. Subarashi. Alors du coup, ben voilà, c'était Little Tempo avec Dragon Twist. On va rester toujours au Japon. Alors je vais vous présenter un groupe qui s'appelle Tokyo Ska Paradise Orchestra. C'est un groupe de ska qui peut partir sur du rocksteady. Un vieux groupe datant de 1989, composé de 10 personnes, et attention, il comptabilise un total de 24 albums. Ce qui n'est pas rien. Des anciens du ska japonais. Alors je vous présente Tokyo Ska Paradise avec une musique qui s'appelle Tokyo Ska Paradise. Scaravan. C'est parti. Je crois que c'est parti. Ikuzo. Quel timing, merci Nanou. C'était Tokyo Ska Paradise Orchestra avec Scaravan. Ben voilà, c'est tout pour moi. On va passer à Camille. Voilà. Oui, Valou. Ben, du coup, tu parlais de voyage. Moi, je vous emmène en Colombie, Alors, c'est des musiques que j'écoute en ce moment à fond dans l'atelier, là. Et du coup, voilà. Bah, moi, c'est une Colombia. Alors, on va commencer déjà par la première, n'est-ce pas ? C'est mieux. Alors, du coup, moi, je vous ai concocté donc, une première sélection, c'est Bomba Estéreo. C'est un groupe donc, de Colombie. Donc, c'est un mélange de zik traditionnelle colombienne et de cumbia électro. Donc, ils viennent de Bogota, la capitale de Colombie, pour ceux qui sont nuls en géo. Et donc le... Merci. Je ne savais pas. Voilà, comme quoi, on en apprend toujours, hein, n'est-ce pas ? Alors, donc, le groupe... qu'est-ce que j'ai écrit ? Ah oui. Le groupe, il est en constante évolution, hein, parce qu'au tout début, donc, il y avait un des musiciens qui avait monté plusieurs groupes, qui vacillait comme ça, par-ci, par-là. Et ensuite, ils sont vraiment tous rencontrés en 2008. Et donc maintenant, on a une chanteuse, il y a un chanteur, un percussionniste, guitare, batterie, basse, clavier. Et donc voilà, bah, je vous laisse écouter. Cette chanson-là, ça s'appelle Duele. Et voilà, c'est Bomba Estéreo, Duele. C'est parti ? Yalla, vamos. Quiero recordar, no, los dos sabemos lo que pasó aquí. No es suficiente, deja todo y huir. Ese es el tiempo que quisiera regresar y que haya pasado, que nunca pasará más. Imaginando que algún día volverá, mejor no pienso, es demasiada soledad. Voilà pour Bomba Estéreo, la chanson Duele. On passe ensuite à Shock Keep Town, qui est un groupe qui s'est formé donc à Cali et qui sont partis jouer après à Bogota. Donc c'est des gens qui ont grandi tous dans la région de Choco, donc j'imagine que c'est en lien avec le nom du groupe. Donc il y a trois membres, et après donc eux, c'est vraiment un mélange entre hip-hop, salsa, afro-latin, musique afro-latine et électro. Alors bon, il y a cinq albums, il y a du bon et du moins bon, hein, c'est les goûts et les couleurs. Mais celle que je vais vous faire écouter, j'aime beaucoup. Chiquita, c'est l'heure de la blague à Mounir. Je crois que quelle surprise. Quelle surprise. Je crois que c'est mon moment. Alors, bon, vrai, j'ai pas le choix. Alors j'ai une petite blague. Pourquoi il y a plus de mammouths, les filles? C'est une question. Pourquoi il y a plus de mammouths? Ils sont à cause d'une comète. Non. Parce qu'il y a des papoutes. Exactement, parce qu'il y a plus de papoutes. T'as qu'à... Ah, parce qu'ils sont capoutes. Mais non. Il y a plus de Voilà, Nanou grand public. Merci Nanou. Pourquoi il n'y a plus de mammouth? Parce qu'il n'y a plus de papoutes. Maman, papa, papoutes, voilà. Ouais, j'ai gagné. C'était là. Merci Mounir, ouais, la blague à Mounir. Ça voilà, me fait plaisir, ça me fait plaisir. C'est oui, une alors... chronique qu'on vient d'inventer. Voilà, je vous explique. Maintenant, de temps en temps et de manière totalement impromptue, il y aura Chiquicha. La blague à Mounir. La blague à Mounir. Ok, ça voilà. Sonne bien, ça sonne bien. Donc cette petite parenthèse est en fait. Donc pourquoi il n'y a plus de mammouth? Parce qu'il n'y a plus de papoutes. Exactement. Voilà, non, rigolez pas trop si vous conduisez. Tout le monde a compris, hein, pas comme la nous. Parce qu'ils sont tous capoutes. On va passer... Allez-y, alors on va écouter donc Shock Team Town avec The Don de Begoyo. C'est parti. Vamos. Pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi. Tenemos problemas pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente, Hace el día este soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí. Fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. ¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con short. Con raros peinados o con extensión. Critíquenme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín. Y si tomo whisky hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado. Ay, ay, ay, ay, es porque estoy montado. Todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, ajá. Pero ninguno ajá. Lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra no salimos, vengo yo. Y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor, vengo yo. Tenemos la lluvia, el frío, el calor. Acá tomamos agua de coco, lavamos en moto. Todo el que no tiene anda en rapimoto. Carretera de esta papa viajar. No hay plata pa' comer, pero sí pa' chupa. Característica general, alegría total. Invisibilidad nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón. Racismo inminente, mucha corrupción. Monte Culebra, máquina de guerra. Desplazamiento por intereses en la tierra. Su vivienda de pescado. siempre fresa, que ni el Discovery ha explotado. Ey, mi nena de oro y platino. Yo, reyes en la biodiversidad. Ey, bochinche entre todos los vecinos. Ey, y en deporte ni hablar. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Chayo, cuando tú y mina, ajá. La quinta, San Pedro, ya quita el disfraz. Chayo, cuando tú y mina, ajá. La quinta, San Pedro, ya quita el disfraz. Chayo, cuando tú y mina, ajá. La quinta, San Pedro, ya quita el disfraz. Chayo, cuando tú y mina, ajá. La quinta, San Pedro, ya quita. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Vamos a golpearlo. Ok, alors donc là on était sur Shockweb Town avec Don de Bengoyo. Ensuite, alors on va. Là j'ai choisi des musiques, c'est un peu crescendo. Hein. Là du coup on part sur Ghetto Kumbe, donc ils sont originaires aussi de Bogota. La capitale. De l'Argentine. La Colombie, pardon. Je suis pas très attentif. Je ne suis pas très attentif. Donc c'est un mélange de musique trad afro-colombienne et de son électronique. Donc il y a trois compositeurs qui sont percussionnistes aussi. Donc c'est le troisième album. Et donc voilà. Donc là j'ai choisi une musique qui s'appelle Pila Pila. C'est vraiment percussion acoustique, basse synthétique. Et c'est vraiment une musique qui est tribale, minimaliste, envoûtante. Donc c'est presque de la trance. Alors accrochez-vous. C'est parti pour 4033. Ouais, c'est ça. Allez. Vamos. ça s'est fini un peu brutalement, n'est-ce pas, hein? J'étais un petit peu ailleurs. C'est Camille qui m'a réveillée tout d'un coup et qui m'a dit « Nanou, c'est la fin !» Voilà, voilà. Donc ça, c'était Ghetto Kumbé. Donc ils font pas mal de musique. Donc là, celle-là, elle est assez particulière. Mais c'est vrai qu'ils font pas mal électro, afro-colombien. C'est vraiment pas mal. Et ensuite, pour mon dernier coup de cœur, donc c'est The un groupe... The Last One, oui. El Último. El Último. En japonais, peut-être ? Non. J'ai passé potassé. Du coup, pour la dernière, moi, j'ai choisi Sistema Solar, qui est un groupe très connu, donc colombien toujours. Donc, eux, ils viennent des Caraïbes. C'est un collectif. Et donc, eux, ils sont, je crois, au moins 9, hein, il me semble. Et donc, eux, ils font des spectacles qui ne sont pas exclusivement musicaux, mais qui sont aussi très visuels. Et donc, c'est le but du collectif, hein. Et donc, ils ont leur propre style qu'ils ont appelé Berbenotica. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, littéralement. Mais donc, c'est inspiré de Los Picos, c'est un système son. Et la Verbena, qui est une fête populaire. Donc, voilà, c'est une musique très festive. Donc, je vous laisse découvrir Sistema Solar avec El Vacile. C'est parti! Vamos, vamos, vamos. Así es, igual todo el mundo, cara. ¿Dónde la vaina? Vamos, vamos. Compartir. Eso es lo que falta, man. Claro que sí. Y esto es para que lo vacilen. Allá anda Daniel Demetri y Cara Pose. De parte del sistema. En la candela de calle Chayo. Sistema Solar. Sistema Solar. Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de notre super émission. Oh, alors moi, j'ai bien rigolé. Il reste une minute. J'espère que vous aussi, nos chères auditrices et chauditeurs... Et chauditeurs. Chauditeurs. Si vous étiez chauditeurs aujourd'hui, retrouvez-nous dans le mois prochain. Même heure, même endroit. Et voilà, comme vient de le dire Camille, on se donne rendez-vous le deuxième jeudi du mois, en direct, à partir de... 10h. Voilà, jusqu'à 11h30. Moi, je suis trop content d'avoir participé avec vous. Ah, c'est trop super. Vous êtes trop sympa, les filles. On se retrouve le mois prochain. Hein. Voilà. On vous fait des bisous. Ouais, des bisous à tout le monde. On et puis une petite pensée à Marcus, voilà, qui nous avait appris la technique. Voilà. C'est tout. Des bisous tout le monde, portez-vous bien. Ciao, ciao, à bientôt. Bye.